voit le président du Racing Club de Lens. Un coup de cœur, coup de folie, un pari pour la vie. Hachtimi n'a pas peur des défis. Faut jamais dire jamais quand on est passionné. C'est comme ça que tout a commencé. On n'était pas beaucoup, quelques potes un peu fous, mais on avait un cœur gros comme ça. Maintenant quand je pense qu'on est champion de France, je me dis en revoyant tout ça, 10 ans déjà, et toujours fier d'être Lensois. 10 ans déjà, à ne jamais baisser les bras. 10 ans déjà, qu'au Racing Club de Lens, je crois. 10 ans déjà, et pour quelques larmes de joie. Aujourd'hui, des amis bien trop vite sont partis. On ne pourra jamais oublier François, Amédo, Jean-Marc et tous les autres. Merci pour tout ce que vous avez fait. Si le Racing grandit, on a gardé l'esprit. Un pour tous, tous pour un, c'est comme ça. Maintenant quand je pense qu'on est champion de France, je me dis en revoyant tout ça, 10 ans déjà, et toujours fier d'être Lensois. 10 ans déjà, à ne jamais baisser les bras. 10 ans déjà, qu'au Racing Club de Lens, je crois. 10 ans déjà, et pour quelques larmes de joie. Papa, c'est toi mon champion.